de dame, j'ai grandi dans la tête. Hey, Basken, Stashken, Concrete, Maxen, Cité, AP, Boston, Jetlag, Rivé. On a vidé la caisse, en 7 jours j'fais le tour de la Grèce. Millionnaire, t'as la baie de la cesse. Fils de dame, j'ai grandi dans la tête.